Deuxième partie, chapitre 17, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sonia. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 17. Comme il faut entendre et lire la parole de Dieu. Aimez à entendre la parole de Dieu, mais entendez-la toujours avec beaucoup d'attention et de respect, soit au sermon, soit dans les conversations édifiantes de vos amis, qui aiment à parler de Dieu. C'est la bonne semence qu'il ne faut pas laisser tomber à terre. Faites-la bien profiter. Recevez-la comme un précieux baume dans votre cœur, à l'imitation de la très sainte Vierge, qui conservait chèrement dans le sien tout ce qu'elle entendait dire de son divin enfant. Et souvenez-vous bien que Dieu n'écoute favorablement notre parole dans nos prières qu'autant que nous profitons de la sienne dans les prédications. Ayez toujours quelques bons livres de dévotion, comme sont ceux de Saint Bonaventure, de Gerson, de Denis le Chartreux, de Louis Blosius, de Grenade, de Stella, d'Arius, de Pinelli, d'Avia, le combat spirituel, les confessions de Saint Augustin, les épîtres de Saint Jérôme et autres semblables. Lisez en tous les jours de quelqu'un un peu de temps, mais avec autant d'attention que si un saint vous l'avait envoyé du ciel, pour vous en apprendre le chemin et pour vous en encourager à y marcher. Lisez aussi les vies des saints, où vous verrez comme dans un miroir le véritable portrait de la vie chrétienne, et accommodez leurs exemples aux devoirs de votre état. Car bien que plusieurs actions des saints soient absolument inimitables pour les personnes qui vivent dans le commerce du monde, l'on peut toujours les suivre ou de près ou de loin. Imitez la grande solitude de Saint Paul le premier ermite, par la solitude spirituelle de votre cœur et par les retraites que vous pouvez faire, ou bien l'extrême pauvreté de Saint François, par l'application à de certaines pratiques de la pauvreté dont je vous parlerai. Entre les vies des saints et des saintes, il y en a dont notre esprit reçoit plus de lumière pour la conduite de notre vie, comme celle de la bienheureuse Mère Thérèse, dont la lecture est admirable pour cela, celle des premiers jésuites, celle du bienheureux cardinal Borromée, de Saint-Louis, de Saint-Bernard, les chroniques de Saint-François et autres semblables livres. Nous avons aussi de certaines vies des saints, lesquelles vont plus à l'admiration qu'à l'imitation, comme celle de Sainte Marie l'Égyptienne, de Saint Siméon Stylite, de Sainte Catherine de Sienne, de Sainte Catherine de Gênes, de Saint Angèle et de plusieurs autres, lesquelles ne laissent pas de donner en général un grand goût du saint amour de Dieu. Fin du chapitre 17, deuxième partie.